Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent en nouvelle diffusion Histoire vivante. Sur lesjours.fr, nous lançons une nouvelle obsession. J'ai quasiment toujours voulu être journaliste, mais c'était à cause de Tintin. On n'est pas un média slow. On est deep. On a beaucoup de lecteurs qui nous lisent en binge reading. C'est cette envie de plus être dans le saupoudrage d'informations, dans l'écume. Ça m'a toujours agacé quand je recevais des commandes et qu'on me décrivait la photo que je devais faire. Cette semaine. Bienvenue dans ce nouveau live des jours.fr. On est une fabrique à histoires vraies, en fait. Les jours. Nos séries, on les appelle aussi des obsessions. Invention et naissance d'un média. J'ai toujours pensé qu'un bon papier pouvait presque se chanter. On va pas faire toute l'actualité, mais ce qu'on va faire, on va le faire bien. Pour pouvoir faire de l'enquête journalistique, l'un des moyens d'y arriver, c'était plutôt de travailler sur des problématiques qui étaient liées à la justice. C'est choisir le bon mot. Je crois pouvoir dire qu'on peut passer une heure ou deux sur un titre, c'est arrivé. Le bon verbe, c'est très important, le bon verbe. Un sujet, quand on arrive en amont, vous arrivez quelque part avec des idées préconçues. Mais ce sujet, au fur et à mesure qu'on le travaille, eh ben, y a des choses qui se confirment et d'autres pas. Nous faisons connaissance cette semaine avec un nouveau média, une sorte d'œuvre d'art totale où écrit, images, sons, graphismes se côtoient. L'image, il en sera d'ailleurs question dans l'épisode du jour. Originalité de ce média, intitulé lesjours.fr, l'idée de traiter, non, de raconter l'information sous forme de série. Pour faire un site internet, typiquement, il faut aller voir ce que font les autres. Alors, effectivement, les séries, bon. Mais après, on a eu toute une période dans la construction des jours où on faisait des cahiers des charges avec des... Alors, il y avait un cahier des charges éditorial, mais pas seulement. Aussi, par exemple, comment on fait un tunnel d'abonnement. Comment la personne qui va arriver sur le site va en arriver à s'abonner. Et en fait, pour ça, on est allé voir tout un tas de sites différents, mais pas forcément des sites de médias. On est allé voir comment travaillait Netflix. Voilà, on s'est quand même beaucoup inspiré dans notre navigation et dans aussi notre narration de Netflix et de la manière assez formidable dont ils présentent leur série. On est allé regarder aussi du côté de Deezer ou Spotify. On s'est beaucoup intéressé à la façon dont le lecteur allait circuler sur le site. C'est ce qu'on appelle la navigation ou l'UX. Et c'était quelque chose qui était important pour nous parce que on trouvait que trop souvent sur Internet, on se contentait de reproduire un journal papier sur le support Internet. Et nous, on avait envie de faire autrement, c'est-à-dire de faire un site de presse, mais qui soit adapté aux usages. Et sur Internet, on ne lit pas de la même façon que sur le papier. On passe notre temps à dire... Raphaël Garrigos, co-directeur de la rédaction et co-fondateur de lesjours.fr. Voilà, Les Jours, ça va être un site beau, ce qui ne veut absolument rien dire. Qui finalement, a posteriori, moi je trouve qu'on a eu raison de dire ça, mais qui était quand même un peu risqué à l'époque, parce qu'on se disait que Internet et la presse sur Internet... Non pas B-O-T, mais B-E-A-U, nous sommes bien d'accord. B-E-A-U, bien sûr, qui serait beau. Il est encore un peu beau, B-O-T, mais bientôt on marchera sur nos deux pieds, j'en suis certain. Quand je parle d'un site beau, c'était... On avait l'impression que sur Internet, la presse était un peu quantité négligeable. Qu'on n'avait pas vraiment de réflexion par rapport aux usages d'Internet. Un exemple tout bête, sur Les Jours, il n'y a pas de rubrique. Si vous prenez n'importe quel site de presse, il y a des rubriques politiques, société, économie, monde, etc., qui, sur Internet, ne veulent rien dire. C'est des choses qui sont liées au papier, à un nombre de feuilles dans un journal papier. Sur Internet, ça veut rien dire. Nous, d'emblée, on a viré ça. Il n'y a pas de politique, de société, d'économie. Et on a, en même temps, apporté des choses de la presse écrite papier qui nous semblaient importantes. Les codes, le soin apporté à la typographie, à la mise en page. On a une lettrine, donc cette grosse lettre au début de chaque article, avec un soin vraiment très très fort apporté à ça, ce qui fait qu'aujourd'hui on a deux éditeurs, des journalistes éditeurs, c'est-à-dire qui sont chargés de relire les textes, de faire des titres qui soient attractifs. On veut pas faire des titres « Voici les 10 raisons pour lesquelles il faut vous abonner à Canal+, la 9e va vous surprendre », des titres que vous voyez sur Internet. On veut des beaux titres et des titres qui donnent envie. C'est un soin apporté au jour et à la presse en ligne sur Internet. Ça rejoint aussi une réflexion économique. Les Jours, quand on a lancé Des Jours, c'était en 2016. En France, en tout cas, c'est le moment où les lectures de presse numérique ont dépassé celles sur papier. Et c'est aussi un moment économiquement où on s'est aperçu que les gens étaient prêts à payer sur Internet. Ben, on l'a vu avec les plateformes de streaming, qu'elles soient musicales ou de séries. Donc c'était un moment qui, économiquement et éditorialement, où il y avait une rupture. Et on a fait le lien aussi avec les nouveaux usages. Si on lit plus sur le numérique, il faut une lecture qui soit adaptée au numérique. Nous, notre réponse à ça, ça a été de dire on va faire des séries. Et notre site, à la limite, il ressemble pas à un site de presse, forcément. Et on a voulu aussi, alors là pour le coup, c'est des choses qu'on a pu apprendre dans la presse traditionnelle à Libération, c'est la place de l'image, la place de la photo. En France, en tout cas, les sites internet utilisaient peu ou pas de photos, ou des photos pas belles. On a voulu apporter l'image sur Internet, en fait. Alors, je m'appelle Sébastien Calvé, je suis directeur photo du site d'information Les Jours. J'ai été photographe à Libération, reporter photographe pendant presque 17 ans, où je couvrais l'actualité politique française. J'ai couvert des campagnes présidentielles, législatives, voilà, de 1998 à 2015 à peu près, à Libération. Et j'ai eu un jour envie de passer de l'autre côté du bureau, comme on dit, c'est-à-dire de quitter la rue et le terrain de reportage pour m'occuper des photos des autres photographes, et pour voir comment on pouvait présenter de la photographie indépendante et du photojournalisme sur du web. Il y a un petit peu de militantisme dans tout ça. C'est de dire que le photojournalisme peut exister, et de belle manière, sur des supports numériques. Il y a une crise de la presse, c'est pas une nouvelle, de la presse papier. En tout cas, il y a une crise de la diffusion et de l'offre de presse, notamment en France, où il y a une sorte de translation qui a du mal à se faire entre le papier et le numérique. Le corollaire à tout ça, c'est une crise du photojournalisme. Mais moi, depuis l'aube des années 2000 et l'arrivée du numérique, si vous voulez, les grandes agences photographiques, Paris a été la capitale du photojournalisme dans les années 80-90. On a un peu tendance à l'oublier avec des grandes agences. On appelait les 3A, c'est-à-dire Gamma, Sipa, Sigma, qui ont été des agences qui envoyaient dans le monde entier leurs photographes pour couvrir les événements et l'actualité. L'arrivée du numérique a fait que tous les photographes dans le monde entier ont pu s'équiper et réaliser des images et des reportages et les envoyer quasi instantanément dans les rédactions. Ça a eu un effet positif, c'est que ça a enlevé une vision un peu ethnocentrée du monde et de l'actualité. C'est-à-dire que ça n'est plus le photographe américain ou européen qui est allé forcément couvrir le tremblement de terre en Indonésie, mais que c'est devenu des photographes indonésiens qui ont documenté eux-mêmes ce qui se passait en leur propre pays. Ça, c'est une très bonne chose. Le problème, c'est que ça a donné un inversement des rapports de force entre les agences magazines photo qui existaient, ces fameux 3A dont je parlais, et les agences qu'on appelle télégraphiques, c'est-à-dire AFP, AP, Reuters, qui sont des grandes agences qui avant faisaient du texte, de la dépêche, et qui se sont mis à faire beaucoup de photos puisque eux avaient des correspondants dans le monde entier. Et on n'a eu quasiment qu'à former et donner des appareils photo numériques à leurs correspondants dans le monde entier pour qu'ils produisent ces photos et les envoient plus vite que le temps que prenait le photographe européen ou américain pour prendre son billet d'avion et aller couvrir cette actualité-là. Donc le rapport de force a changé. Et donc il y a une crise du photojournalisme qui s'est créée en même temps que la crise de la presse à l'aube des années 2000. Moi, je modère toujours ça un peu parce que je pense qu'il n'y a pas de crise du photojournalisme en soi, en tout cas de la création, il y a une crise des donneurs d'ordre. C'est-à-dire que depuis les années 2000, les journaux ont un peu progressivement arrêté de passer des commandes aux photographes. C'est-à-dire qu'ils se sont contentés d'être le réceptacle de sujets et d'images qui étaient déjà produites. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire ici au jour, modestement, c'est d'inverser un petit peu cette chose-là et de travailler majoritairement en commande avec des photographes. C'est-à-dire que les sujets viennent de nous, et on les propose aux photographes pour qu'ils les prennent en charge. Donc déjà écrit ? Pas forcément déjà écrit, au contraire même. C'est quelque chose qu'on met au début du processus. C'est-à-dire que dès qu'on a l'idée du sujet, dès que le sujet vient sur la table, on se pose la question de l'image. Alors cette image, elle peut être photographique, elle peut être d'illustration, de dessin, de BD, de graphisme, de data, voilà. Et on se pose ces questions de ce rendu, cette mise en forme image. Si c'est, on décide que c'est un rendu photojournalistique, à ce moment-là, mon travail, c'est de trouver là où le photographe disponible, intéressé, et qui serait, d'après ce qu'on pense, le ou la meilleure pour travailler ces sujets-là. Et là, c'est la formule classique, le coup de fil, tu peux pas. Le coup de fil, tu peux pas, est-ce que ça t'intéresse, ou est-ce que ça t'intéresse pas. Et on crée un couple rédacteur-photographe qui, eux, vont travailler ensemble et s'emparer du sujet pour rendre une forme à ce sujet, qu'elle soit écrite pour le texte, évidemment, avec le rédacteur des jours, et visuelle pour le photographe qui aura en charge ce sujet. On a un réceptacle qualitatif pour les photographes, c'est-à-dire qu'on est sur un site qui est sans pub. Donc sans pub, ça veut dire aussi que visuellement, l'écran il est totalement ouvert. Il n'y a pas de bandeau, il n'y a pas de bandeau de pub, il n'y a pas d'annonces qui vont se déclencher sur le diaporama au bout de deux premières photos que vous visualisez. Aucun risque de distraction. Aucun risque de distraction visuelle. Et en plus, on propose une manière de travailler journalistiquement, éditorialement, qui est intéressant pour les photographes. C'est-à-dire qu'on fait un peu du documentaire en train de se faire. On a une proposition et une activité journalistique que personne ne fait à ma connaissance, c'est-à-dire que le rédacteur et le photographe partent en reportage, ils réalisent leur reportage sur une journée, sur deux jours, ils rentrent, on publie ce reportage et ils y retournent. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait assez peu journalistiquement. En général, on fait un reportage, on y passe plus ou moins de temps, un jour, deux jours, trois mois, six mois, on rentre, on éditorialise, on monte, on publie, mais on y retourne assez peu, ou alors à l'occasion d'un anniversaire, ou alors vraiment sur des laps de temps assez longs. Nous, ce qu'on propose, c'est une publication finalement du reportage en train de se faire, pendant une temporalité qui est de l'ordre de deux mois, de trois mois. Et finalement, le photographe, avec le rédacteur, il va travailler par petites touches. Et évoluer, évidemment, puisque nous, on est en dialogue constant avec ce photographe, et on va lui dire, ben là, tu as travaillé sur tel ou tel personnage, on a suffisamment de choses, on a compris comment il évoluait dans ce domaine-là, donc maintenant, concentre-toi sur un autre. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est ce dialogue sur l'image en train de se faire et sur le reportage en train de se faire. Moi, je passe mon temps à travailler le réseau des photographes avec lesquels on travaille. Il y en a avec qui on travaille plus souvent que d'autres, mais j'ai un réseau de collectifs, d'agences, de photographes indépendants avec qui j'essaie d'être en dialogue permanent. Alors, il y a des gens qui vont bosser peut-être deux jours dans l'année avec nous, mais ça m'empêche pas de parler avec eux les 363 autres jours de l'année, par mail, par WhatsApp, qu'est-ce que tu fais en ce moment, où est-ce que tu vas, voilà. C'est des petites choses de dialogue comme ça. Et comme ça, on voit les photographes, les créateurs visuels avec qui on peut travailler. On voit ce qu'ils font, on voit comment ils évoluent, et finalement, on se tient au courant, comme ça, et puis on sait que le jour où on aura un sujet qui correspond à ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, ou la manière dont ils ont évolué, ben on va les prendre. Et puis, après, une fois que, si vous avez bien choisi, derrière, finalement, le dialogue, les contraintes graphiques, la manière d'amener le sujet, il n'y a pas besoin d'avoir des discussions très très longues. Et finalement, au contraire, je dirais, il faut leur donner quelques pistes et après, il faut les laisser s'emparer du sujet. Parce que plus ils pourront s'emparer du sujet et plus ils seront force de proposition. Et c'est ça qui, je pense, est le plus intéressant. Là, on parle de formidable renversement hiérarchique. On parle d'une autre manière d'aborder, d'approcher, de suggérer, mais sans écraser. Oui, je suis comme ça parce que je suis toujours photographe au fond de moi, et je suis toujours photographe parce que je continue à faire des images, mais j'ai beaucoup connu ça de l'autre côté en étant photographe pigiste et en recevant des commandes. Et ça m'a toujours agacé quand je recevais des commandes et qu'on me décrivait la photo que je devais faire. C'est complètement idiot. On peut pas savoir la photo qu'on va faire, surtout sur du reportage et du photojournalisme. Et puis c'est une manière quand même de nier la qualité de votre index. Oui, oui, oui. Alors moi, j'ai eu la chance de pas être confronté trop à ça quand j'ai été photographe, reporter, pigiste. Mais j'essaie de ne pas reproduire ça. C'est-à-dire que je dis pas au photographe à qui je commande des images, il faut que tu me fasses une photo comme ci, comme ça, avec le personnage à droite. Et non, je donne mes contraintes graphiques. Je dis voilà, il y a un moment, il me faut une image où il faut que je titre sur cette image là. Donc il faut que j'en ai une comme ça. Après, sens-toi libre Si je t'ai choisi, c'est parce que je sais que tu fais telle et telle chose et que tu le fais de telle et telle manière. Donc, je suis pas très inquiet en général quand je mets un photographe en commande. Je suis à peu près sûr du rendu. Et ce que je préfère, c'est avoir des surprises. Alors, il vaut mieux avoir des bonnes surprises. Mais en général, on a des bonnes surprises. Quand je confie un sujet à un photojournaliste, à un photographe, à un dessinateur, je le confie à cette personne-là. Et ce que je veux, c'est qu'il me confie des images qui me donnent son point de vue sur ce sujet. C'est une espèce de ping-pong d'aller-retour comme ça, entre ce double mouvement de moi qui donne un sujet à quelqu'un en qui j'ai confiance et lui va me rendre des images qui correspondent à son point de vue sur ce sujet. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas qu'il me donne des images, un, que j'ai déjà vues ailleurs. Ça m'intéresse pas. Ou qui vous donne raison d'une manière ou d'une autre. Ou qui me donne raison. C'est même très intéressant quand on passe une commande à un photographe et qu'il y a une contradiction. Qu'on a des idées préconçues sur ce sujet-là et qu'il arrive et qu'il vous donne en fait totalement autre chose. Parce que le terrain change. Le terrain change, les idées qu'on a. C'est quelque chose que je dis souvent aux étudiants que je peux avoir quand j'interviens dans des écoles de photo ou de journalisme. Le terrain, il vous change. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, en tant que photoreporter. C'est-à-dire que quand on a une connaissance du terrain, on sait que vous arrivez quelque part avec des idées préconçues. Et c'est normal, parce qu'on a toujours des idées sur un sujet quand on arrive en amont. Mais ce sujet, au fur et à mesure qu'on le travaille, eh ben, il y a des choses qui se confirment et d'autres pas. Donc c'est ça que je veux voir aussi dans le travail qui me revient après la commande, quoi. Je me souviens d'avoir vu l'irruption des chaînes info, où quand je rentrais à la rédaction, mes red chefs avaient vécu l'événement que j'avais couvert en même temps que moi. Et donc, ils avaient vu les rédacteur images... Rédacteur en chef, je l'ai dit avec tous les mots. Oui, le oui. Rédacteur en chef, ouais. Le rédacteur en chef avait vu sur les chaînes info, en direct, l'événement que j'avais couvert une heure auparavant. Et donc, ils avaient déjà dans leur tête une idée des images que j'allais leur livrer. Donc je sais, en fait, cette présence de l'image de « ça a été » et « voilà comment ça a été ». Alors que nous, ce qu'on essaie de faire ici au jour, c'est que justement, c'est de laisser le temps au photographe, même quand il couvre une actu chaude, même quand il couvre une actu qui a été surcouverte en termes d'image, de donner leur propre vision de cette actualité-là. Quand on fabrique, Sébastien Calvé, un nouvel objet, j'allais dire, on grandit nécessairement avec. Est-ce que vous pourriez nous donner justement le goût de ça, de ce que c'est que cette excitation dynamique de fabriquer quelque chose d'original, de nouveau, et du coup d'être embarqué dans la propre dynamique qu'on a créée? Ça, c'est vraiment peut-être ce qui est le plus intéressant quand on démarre un projet comme Les Jours. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé. Finalement, produire de la photo uniquement pour de l'information sur Internet, ça se fait pas beaucoup. En France, on est quasiment les seuls. Et ça implique des choses importantes pour les photographes. Parce que la photographie, c'est évidemment du reportage, de l'éthique journalistique, de l'information. Mais c'est aussi du visuel, du graphique. La grammaire du photojournaliste, c'est une grammaire visuelle. Et donc, on va travailler ces choses-là dans la forme du site, dans son graphisme propre et aussi dans la manière de ce qu'on appelle éditer les photos, c'est-à-dire les choisir et les organiser. Alors évidemment, moi, quand on a démarré Les Jours, moi je me suis dit je vais publier plein de sujets, je vais faire comme tout le monde, il y a plein de photographes partout aujourd'hui dans le monde qui font des sujets avec des portfolios classique de 15 images avec les images sont composées en horizontale avec le pli du journal au milieu et en fait ça marche pas parce que sur notre narration et sur notre design du site et la manière dont on organise et on met en scène les choses pour amener à l'information, pour prendre par la main le lecteur et l'amener vers l'histoire qu'on veut lui raconter, il faut travailler l'image autrement. on travaille l'image avec cette narration un peu particulière qu'il y a sur le web, ce qu'on appelle le scrolling, c'est-à-dire on démarre la page et puis vous allez descendre avec votre doigt sur votre téléphone, sur votre souris, et vous allez voir apparaître les images les unes après les autres. Mais vous n'avez pas de vision. C'est pas comme quand vous prenez un magazine que vous feuilletez d'abord une fois, vous avez une vision un peu globale de toutes les images et de tout le papier. Et puis après vous reprenez au début et vous faites une lecture plus attentive. Sur le web, vous avez pas ça. Vous découvrez une image et puis vous allez descendre et petit à petit vous allez découvrir des choses sans avoir conscience du volume global de ce que vous allez lire. Donc il faut avoir une vraie narration par la surprise, il faut avoir des images qui arrivent au bon moment où le texte raconte telle ou telle ambiance. On peut s'autoriser des séquences d'images qui sont plus pauvres, qu'on mettrait pas forcément dans un magazine papier, des détails sur des mains, deux trois images qui montaient comme un gif ou montaient comme un mini diaporama vont raconter une petite séquence, un geste. Passer de l'illustratif à l'allusif également. Exactement. C'est une alternance en permanence entre des images qui ont une charge informative forte et puis des choses peut-être plus légères mais qui mettent dans l'ambiance. Aujourd'hui, sur le web, on travaille sur des choses qui sont bien plus multiples que ce qu'on pouvait faire sur le print. En tout cas, ce que moi, j'ai connu sur le print. Mais ce que mon passé et ce que j'ai été apporte, c'est que moi, j'ai été photographe à Libération pendant 17 ans, je vous l'ai dit, et je travaillais en commande, c'est-à-dire que je partais le matin, on me donnait un sujet, et je savais quelle était la place de mon image dans la maquette. Puisque quand on part la place, c'est-à-dire la taille et tout ça. La taille, s'il y avait le pli. Donc je savais que mon image, quand j'allais la réaliser sur le terrain, On vous prévenait. Exactement. D'accord. J'avais dans l'œil la maquette. Donc je savais si mes personnages sur une manifestation, il fallait que je laisse de la place en haut à gauche pour titrer et tout. Donc j'avais déjà, moi j'ai toujours été un photographe de commande et de journal. J'aime bien qu'on me dise dans quel cadre il faut qu'on travaille. Et ce cadre, je pense qu'il ne contraint pas, je pense qu'il est très facilitateur de création. On a des contraintes avec le web qui sont très fortes, beaucoup plus importantes que sur du papier. Par exemple ? Ben sur du papier, graphiquement, vous avez votre double page et votre image, vous allez la mettre à droite, à gauche. Vous n'êtes pas beaucoup moins contraint. Sur du web, vous allez monter votre page numérique, mais votre page numérique, il faut qu'elle puisse s'adapter à quelqu'un qui va le regarder sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un téléphone. Et ça veut dire qu'à chaque support sur lequel elle va arriver, elle va se redimensionner, elle va se recréer, elle va se recadrer. Elle vous échappe. Elle nous échappe. Et elle nous échappe parce qu'il y a des contraintes numériques, de cache, de format numérique, de support sur lequel les lecteurs aujourd'hui lisent. Donc il faut que, à la création de tous ces contenus, il faut qu'on pense à ça. Mais il faut qu'on pense à ça en perdant pas de vue, qu'il faut qu'on fasse quelque chose qui ait du sens, qui amène une information et qui soit agréable à regarder. Donc ça, il y a plein de paramètres qui arrivent en ligne de compte, mais on essaie, notre travail, c'est d'essayer de faire que ce soit léger, que ce soit pas lourd pour les photographes parce qu'ils ont multiples choses à gérer, à la fois le fond, la forme, la difficulté sur le terrain, les moments de rendu. Et donc, on essaie de faire que, de mettre tout ça en musique pour que ce soit le plus léger à la fois pour celui qui fait les images et à la fois pour le lecteur qui va les lire. Sébastien Calvé, y a-t-il trop d'images ? Bien sûr. Non, mais moi, je partage cet avis. Et encore une fois, j'aime trop les images et la photographie pour apprécier l'époque dans laquelle on vit, où effectivement, on est saturé d'images. Et puis, on est surtout saturé d'images en nombre et on est saturé d'images en chronologie, en temps. Je trouve que les images arrivent trop vite. Il y a une tyrannie du direct. C'est quelque chose que j'ai connu. Alors, j'ai commencé ma carrière de photographe, de reporter à la fin des années 90. Il n'y avait pas les chaînes info, il n'y avait quasiment pas d'internet. Il y avait de l'éclairage au gaz. Il y avait un peu de l'éclairage au gaz. Et quelques fiacres. Non, mais j'ai commencé à travailler, on était en argentique, on amenait des bobines de pellicule argentique au labo. Et j'ai fini ma carrière, j'envoyais mes images directement depuis mon boîtier photo. Donc, j'ai connu en 17 ans une évolution du métier qui est passée du char à bœuf à l'avion supersonique. Sébastien Calvet, malgré les milliards de photos, les millions de photos, les milliers de photos, on peut encore arriver à faire quelque chose en plus ? Je pense qu'on peut toujours faire quelque chose. Moi, j'ai toujours travaillé sur des actualités où j'étais entouré de 30 photographes et 40 caméras. et j'ai toujours réussi à tirer mon épingle du jeu graphiquement. Parce qu'un photographe, il se pose toujours ces questions-là. Il se dit toujours, oh là là, il y a trop de monde, on va tous faire la même photo, je vais aller à droite, à gauche, en haut, pas faire la photo maintenant. Un photographe qui est vraiment photographe, au vrai sens noble du terme, il se pose ces questions-là. Donc je pense qu'il y a toujours possibilité de fabriquer cette image-là quand on l'a fait avec une volonté de point de vue et une position d'auteur, même si j'aime pas cette dénomination. Pourquoi ? Trop prétentieux ? Parce que je pense qu'on a, au moment où on voulait plus avoir de photographe, au moment de la crise du photojournalisme forte, on a remplacé le mot photographe par auteur. C'était facile, comme ça on l'a mis sur un piédestal et on n'avait plus à le faire travailler tous les jours. Je pense que ça a été une escroquerie, ça. Je pense que la photographie, elle ne vit que dans... C'est un art appliqué, la photographie. C'est un discours qui a du mal à passer. Je pense que c'est pas forcément un art en soi. La photographie et surtout le photojournalisme, il vit quand il est intégré dans un journal, dans une publication, dans une édition. Je pense que la photographie, elle vit comme ça. Pendant ses 150 premières années de sa vie, elle a vécu comme ça. Il n'y a aucune raison que d'un coup, elle soit sacralisée. Je pense que le plus mauvais service qu'on a rendu à la photographie, c'est de la sacraliser. Nous, ce qu'on essaie justement, c'est de faire revenir la photographie et de faire revenir la production photographique au sein d'un éditeur et d'un diffuseur qui est aujourd'hui un site web d'information, mais qui a été avant les journaux, les magazines, voilà, tous les supports qui ont fait vivre la photographie au sein de leur publication. Donc je pense qu'il y a de la place pour créer une image différente et forte, malgré le flot d'images, et je pense qu'il y a de la place pour diffuser aussi ce type d'image, même si ça, c'est très très très difficile. Rafael Garrigós, un vaste documentaire, une longue enquête que vous m'avez dit hors micro avoir vu. Il concerne le New York Times, plongé dans l'expectative et l'ébahissement à la suite de l'élection de Monsieur Donald. Les jours, je vais pas mettre les jours à côté du New York Times, mais le plus ou la différence ou le complément que peut apporter un objet comme Les Jours vis-à-vis de l'Auguste Aïeul. Moi, j'hésite pas personnellement à mettre Les Jours à côté du New York Times. Très bien. J'hésite pas parce que tout bêtement, dans la construction des jours, il y a des choses, des fois où on s'est dit, voyons ce que fait New York Times. Après tout, sur Internet, ils font des choses très très très bien. Et tout bêtement, par exemple, le New York Times a un diaporama qui est très bien fait. Et nous, on s'est inspiré, on a fait un diaporama sur Les Jours qui fait que dans chaque article, il y a une photo sur laquelle on peut cliquer. Et quand on clique sur la photo, ça nous renvoie un diaporama qui va nous montrer une autre lecture de l'article, une lecture uniquement en images. Et donc, c'est quelque chose qu'on a piqué au New York Times. Eux sont sur fond noir, nous on est sur fond blanc. Mais en tous les cas, que ce soit le New York Times ou nous, ça me fait toujours un peu bizarre de nous accoler les uns aux autres. Mais en tout cas, c'est cette même réflexion qui est de dire ce qu'on vendra à nos abonnés, c'est ce qu'on ne trouvera pas ailleurs. C'est de la qualité, donc c'est de la qualité. C'est-à-dire qu'il faut que ce qu'on écrit au jour, que ce soit sur l'affaire Benalla ou sur un sujet qui nous est propre à nous, qu'on ne retrouve pas ailleurs, qu'on ne retrouve pas une photo. Quand on va parler d'un fait divers, on voit sur tous les sites internet fleurir la même photo. On a un policier de dos avec écrit police dans le dos, la voiture de police est floue. Cette photo-là, vous la voyez partout, c'est les mêmes photos d'une agence, que ce soit l'AFP ou de Reuters ou de n'importe quelle autre agence internationale. Nous, on a nos propres photos. C'est une exigence. Ouais. Et l'information passe aussi par l'image. Et cette exigence de qualité, c'est ça qui nous... du moins, on a la même qu'au New York Times, avec beaucoup moins de moyens. Ils ont par exemple 400 développeurs au New York Times, on en a un. Mais ils travaillent comme 400. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Jérôme Nussbaum.